conquérera mon île. Où sont tes papillons, tes tabacs et tes fleurs, tes grands dieux infinis dansant nuirieurs, parmi nous qui étions une nation tranquille. Nos génies avaient même chassé le reptile. Des êtres sont venus le portant dans le cœur, et leurs chefs au cachot vinrent ses successeurs, maraudeurs de forêt et de ventre fertile. Rien ne leur échappa, bêtes, hommes ou canopées. Leur caprice changea jusqu'à l'ordre divin. Marchands dénaturés, sans âme et sans maintien, dont le Dieu mis à mort et la mort glorifiée. Nous étions les contours de ta sylve immortelle. Ils disaient notre vie moins droite que la leur, sans grâce, sans honneur. Ni ton sang, ni tes sœurs ne purent désarmer leur jalousie cruelle. Qu'es-tu donc devenu, Karukera, mon île? Où sont tes oiseaux blancs, tes gîtes enjôleurs, tes grands dieux ignorants dans ces nuits rieurs, quand arriva sur l'eau ce génois imbécile? Ses complices cruels clouèrent l'océan sur une croix de bois. Les Afriques en meurent, Caraïbes et Noirs et Larrons, tous en pleurent. Et leur rêve de fer au flanc des continents. Nos compagnes, nos fleurs à la hanche féline, sont mortes de l'envie de ces hommes retors, porteurs dans leur désir opaque de la mort. Divin du Caribe, où est ta joie terrible? Où sont mes lézards verts et mes lagons vivants, les poissons prélevés par un peuple prudent? Nous savions vivre, aimer, haïr, sans une Bible. Nos coiffes n'auront plus pour ta cérémonie aucune plume prise à l'aile évanouie. Mon cercueil.